Como en Colombia, a México danse la Amazonía. Como en Colombia, a México danse la Amazonía. Les joue pas trop le mia, de façon nos jours sont fiables. Cherche pas à supplier, pour me chercher faut des miracles. À quoi tu joues là, tu crois que je suis ton pote, tu m'as pris pour qui là. Tu m'as ouvert les yeux, oh mamma mia. On me fait tout chier, et je m'en tape des hommes qui y a. Je jugerai pas moi sans savoir quitter. Quand je me sens faible, je demande à Dieu de me guider. Je te guider, je te guider. J'ai besoin de me vider. J'ai la tuée killer, tu n'es qu'un videur. Tu marcheras, tu monteras, mais plus tard on te tuera. C'est la loi du milieu, là où des armes et des go il y a. Ça te sauce comme à la corrida, ça sert à rien de faire le gorilla. Tu te rappelles, vous riez, maintenant vous êtes là. Heureusement j'ai trié, je ne regrette pas. Et j'esquive toutes les billacs, tous bébés ils font la criade. Elles manquent pas qu'on que crier, cherche une suite au kiriac. Et puis rien que je gamberge, ça sert à rien de parler. Fantastique, moi je rentre en plastic.